faux. DJ Kiss One, DJ GD, je clash, c'est notre tour de fil de rasoir. Attention, tu devrais te méfier. Le son fait pour les sports contact, pas le fitness. Encore sans exagération, tu le sais, c'est interdit, putain. Dans ton crâne. Oh tension, oh tension. La strip. Vapo, DJ Kiss One, DJ GD, je clash, c'est notre tour de fil de rasoir. Oh tension, oh tension. Tu devrais te méfier. Les sont faits pour les sports contact, pas le fitness. Encore sans exagération, tu le sais, c'est un terre.